Les sensations ne sont jamais pareilles. Le bien-être et le bonheur sans son mal-être et la peur peuvent cohabiter et ça peut paralyser et en évoquer. Tu m'as dit, n'aie pas peur, je te protégerai des trous noirs du passage. Si tu as l'espoir du pauvre, penser à plus loin, quelle grandeur d'âme. Si en restant du sommeil, tu m'as éteint, je galère pendant quelques temps, et après je partirai d'ici. Où il n'y a plus de vie, j'irai plus loin que l'autre. Où il y a des visages comme ça, mais pas loin, presque pas. Loin de l'aube, il y a des visages comme ça.